Tellement j'ai des chiens ne font pas des chats, mais j'ai vu des chats faire des chiennes. Chats faire des chiennes. Tellement de paradoxes et de traîtres que tout ça me fait chier. Tout ça me fait chier. Donc avant de prendre une décision dans ta life, mourrai réfléchir. Ouais, tu vas prendre une cartouche, c'est sur mon équipe tu louches. Si tu donnes pas les moyens d'avoir les moyens, t'auras jamais les moyens. Jamais les moyens. Faut ta maille de la maille, le Cayenne, si tu veux vivre comme un doyen. Donne ta main de. Là je suis mortel. Si je tombe la bouteille, c'est pour pas qu'on me prenne la tête. Frère, j'étais ton gravat, j'étais prêt à tout juste pour voir ta joie. Je suis dégoûté, tu m'envies juste pour m'avoir. Mais ne t'inquiète pas, je te laisserai pas m'avoir. Si tu doutes de toi, ben ne doute pas de moi. J'ai goûté le goudron et ça pendant des mois. Ah oui, le haut je le connais moi. J'étais gentil, j'ai fini par être démon. Démon, démon. Si tu nous cherches à ce qu'il faut dans le local, on parle pas trop bas direct dans la boca. J'ai le meilleur pour mon GPS choquant. Oui, oui, meilleur pour notre avenir. Y'a que des fous, y'a de plus en plus d'enterrements. Qu'est-ce que tu ferais mon ami pour avoir le dernier mot? Je vais tout niquer, je vais te le dire clairement. Au studio c'est l'aquarium et les GCR gros. Le travail parfait par la chaîne comme quand tu péris. Aujourd'hui tu kiffes ta life, ouais demain tu péris. Dans le mal hyperon, ils verront ces salopes. Ils font les max sur le peupon, ça suffit, ils galopent. Ouais. Fais pas confiance à là, tu le connais mal, si peu de carat. Tard le soir je parle, j'ai fumé toute la feu, j'en ai plus je marre. Plein de stories, plein de manies, rap t'es wanted, t'es plein de vis, laisse moi dans mon den. Plein de mensonges, t'es des victimes, si tu me trahis, crois-moi, elles vont se croiser les montagnes. Tu vas venir de loin comme une voiture de cible, réclame-moi à l'envers, on verra ce qui les ont. Pour briller de l'amitié, tu négocies, nique le stop, tout la voix dans ma tête résonne. Ouais, ça fait mal, trop très renfermé. Il faut des love, on est à terme. Ouais, ça fait mal, trop très renfermé. Il faut des love, on est à terme. Je voulais quitter la haine en vente Carolina. Les aïens nés dans la marche comme en Colombia. Plus de cortège funèbre que mariage. Elle vira en frappé dans le village. Et Tony mort. Dans la gêne de ma ville, mon litre de mort. On va niquer, on l'a niqué, on va niquer. Le game, on le connaît à part la foule. Y'a de la moula, mais que celle que t'as dans ton barrio. Hola, hola, hola, tu te prends pour El Chapo, El Capo, Al Capone. Mais pense à ta daronne. Ta daronne. Façon, tu paroles, paroles, paroles. Amor, amor, amor, amor, amor. Amor, amor. Il faut des love encore, encore, encore. Encore, encore. Amor, amor, amor, amor, amor. Il faut des larmes, j'ai ça la main, ouvrir les yeux. J'voyais plus rien, pour oublier, j'fume un peu. Elle m'envoie loin, on a roulé, roulé, roulé, roulé pour elle. Pour elle, on a tourné, tourné, tourné, tourné, tourné. Abonnez-vous tous au passage à la nouvelle chaîne Ghetto Phénomène Vévo, l'équipe. Ça arrive, il y a plein de trucs lourds qui arrivent. À la fin, on vous en dira plus. Yeah, yeah, yeah. Ok, ok. Wesh alors, wesh alors, ils sont en chaleur, en chaleur. Yeah. Trop de gains de vos parleurs, vos parleurs. Yeah. Depuis tout ce temps, j'ai vu trop de galères, trop de malheurs. Je fais des circuits en cabre dans ma zone à 30 à l'heure. Maintenant, si t'as pas de couilles, t'as pas de tête, t'es sans valeur. J'en fumais, tu te rappelles quand je descends à l'heure. Je te vers la pente, bref, leur femme écoute mon son, maintenant je comprends pourquoi y'a tant de valeur. Elle était pleine de manière, elle a fini les gens en balère. Maintenant, c'est bien trop voir gros, je donne même pas l'air. Moi et mon équipe comme toi, on va reprendre pas l'air. J'suis tellement à l'ouest que là, j'en sens même pas l'air. Voilà les phénomènes, on va sortir du ghetto. Dans la story du rap, pas dans celle des métaux. Dans la caisse avec un géant pédo, bendo, arrivant de la ça prend ta dépelle, allez ça que Rio. Ça fait des délits, pété dans la clio. Chaque coup, on arrive comme des civils. Vite, vite, cagoulé, on mettra pas les clignots. Je vais finir aux oubliettes ou partir en légendaire. Partir en légendaire pendant que les gens dorment. Mais parfois je me couche, alors oui, tu fais légendaire. Équipe sur Sky, d'or et platine et le cendrier. Variable, le parier, le phénomène du ghetto pour se marier. J'ai parlé dans ma vie, tu fais le tour. du monde. Ton état ma fille, j'ai jamais fait l'homme. J'ai les iso dans la file, qu'il pile dans le mille. Comme le roi, la mafia, on fera le tour du monde. On fera le tour du monde. Le tour du monde, le tour du bloc. Pas le tour d'achat, pas le char d'achat. Le char s'efface quand le temps se court. Un pouvoir d'achat, le char d'achat. J'ai remarqué petit en panne. Je suis pas trop les civils, je fais des tours dans Paris. Le tarot du mille sera le tarif. Comme et comme moi, c'est le parent, je peux pas. Un pied dans la street, tu fais le fou, tu fous le fou. T'as mis les doigts dans la prison de venir fou, à vous, le fou. Mais dis-moi pourquoi tu fais le fou, tu fais le fou. Mais dis-moi pourquoi t'as fait le fou. Sur le reste, on va te les faire glisser. Vu ton phénomène arrive de Bertra. Demande à Divo, on a les dailles guisées. Tu veux qu'on t'envoie les doses sur le bête normal, tu sais qui c'est. Doré de platine, GP, baby, d'abord tu vas sauver sur Conny. Dedans dans le délire, bien sûr quand tu mets. Sur le bitume, on a passé le temps. En faire des temps pleins, mais bon, la roue a tourné. Je me méfie là pour maman. Sur le bord de la plage en hiver. La reconnaissance pour mon équipe. Sur la tête aux jaloux qu'on serait déjà. L'amour est dans le prix, la moulaille dans le prix. La tête dans les étoiles, épée sur le pavé. Enfumer la cabine et faire tousser les bitches à bord du vaisseau. Et les faire grimper au 7ème siècle. J'ai grandi, non, je suis pas mort, je vais pas t'harceler. Je fais l'esprit, je m'accasse. Victime, tu fais le gros, tu ramasses le ballon, grimpe les barbelés. J'essaie de le sang, je trouve la rage. Oui, je fais ma ganja, ma voiture au garage. Je reste à la zone, je fais des instruits, ouais, j'arrache. J'accélère, on est chargé à barrage. C'est le show, il s'avoue, il est ton apparo. Donc, on a de quoi, t'as fait les choses. Une mine, tu en guises ta part. Ta mort a fait un choc, tu crois. Mais les mêmes manas, ils mêlent les mêmes noms. On n'est plus des membres, c'est le tarif minimum. On t'a désarmé, ça fait pas les hommes. Quand tu nous fais ça, fils de pute, pourtant j'aurais tout fait. J'aurais tout fait. Tu donnes ta confiance, elle revient, mon toit mais rouvert. Ça coûte pété 30 en 4 pour Dieu de bénéf. Bénéf, bénéf, bénéf, bénéf. Voilà ce corps, j'ai pété et pris moi, j'ai que l'argent en bas. Alors je fais ce cash, le temps passe. Discret, lunettes noires, John Doe. Unis. C'est que le début c'est pas fini. Allez retourne voir ton Magini. On a primé pour avoir cette maille. Si Marcy méritait tout ce qui m'arrive. Un peu de bonheur dans cette putain de life. Avant j'étais trop naïf. Voilà il be like. L'équipe, ça c'est le son du bordel. On va leur faire mal à la tête. On va leur faire mal à la tête. Ils ont chaud. 24 juin. Ghetto phénomène, d'or et platine, d'or et platine, ghetto phénomène, ghetto phénomène, d'or et platine, d'or et platine, ghetto phénomène, ghetto phénomène, d'or et platine, d'or et platine, ghetto phénomène, ghetto phénomène, d'or et platine, d'or et platine. Les banaliser, ils veulent nous verbaliser. Faut te dire que tu iras pas loin. Si t'intéresses, c'est balisé. Bienvenue dans le ghetto, fidèle au poteau. Meloka, Meloko, de Marseille à Rio. Pour les gens qu'on enterre, à peine quitter la touche. Numéro 9, on n'est pas sur la touche. On a quitté le poste pour un meilleur décor. Pour enfermer leur bouche et reconnaître leur temps. Moi, je t'emmène en voyage toute l'année. J'ai fait d'or et platine. Prépare tes bagages pour planer. Bientôt faudra partir. J'étais vu, tu savais qu'il fallait you. C'est du sang mensonge, ouais. Cherche pas la mer, tu la trouves. Dans le mouche, ouais. Dans le mouf, c'est pas ton destin, mais tu sens t'inquiète. Dans le mouf, rentre dans le mouf, on va t'emmener. Fais pas le le yof, coco dans le nez. On connaît tes potos, c'est des poupous. Y'a des armes, ça fait boubou. Ouais, pour la mise, tu fais le toutou. Elle a plus de shit quand tu vas toutou. Ouais, dans la zik, on fait toutou. T'inquiète trop la route. Santo dans le plagier, une dorée de platine et tu fais mal, tu barilais. Viens, viens nous fololo, madame, tremble-le. Équipe sur le rinté, on a les bandes vers la queue-le. Allez, pète ton calumé, on kick le beat, mais toi, zelélé. On panique depuis qu'on débite sur n'importe quel point à l'aise. Ghetto phénomène, ghetto phénomène, dorée platine, dorée platine, ghetto phénomène, ghetto phénomène, dorée platine, dorée platine, ghetto phénomène, ghetto phénomène, dorée platine, dorée platine, ghetto phénomène, dorée platine. Comment tu vas ma lady? J'aime quand t'es en chaleur. J'ai besoin de ton boule pour m'aider. Ton corps c'est pas de l'eau. J'suis hâte de me noyer. Et encore un belot. Pourtant j'ai rien demandé. Me fais tourner, me tourner, me tourner, me tourner, me tourner, me tourner la tête. Tout pour elle répond. J'en sais pas mes potes. Elle me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne, me détourne. Elle voudrait que je quitte tout pour elle, mais je la sens. Ghetto phénomène, dans les platines, c'est le ghetto phénomène. Dans les platines, c'est le ghetto phénomène. Dans les platines, c'est le ghetto phénomène. Dans les platines. Chaleur, chaleur, chaleur, chaleur, chaleur, chaleur.